Sainte Bible selon saint Jérôme, premier livre des rois, chapitre 11. Or le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. La fille de Pharaon aussi, et des Moabites, des Ammonites, des Iduméennes, des Sidoniennes et des Éthéennes. Des nations de le Seigneur avaient dit aux enfants d'Israël, vous ne vous approcherez point d'elles. Et les hommes d'entre elles ne s'approcheront point de vos filles. Car très certainement elles pervertiront vos cœurs pour que vous suiviez leur Dieu. C'est pourquoi Salomon s'attacha à ses femmes par un très ardent amour. Et il eut 700 femmes qui étaient comme reines, et 300 du second rang, et ces femmes pervertirent son cœur. Et lorsqu'il était déjà vieux, son cœur fut dépravé par les femmes, en sorte qu'il suivait des dieux étrangers. Et son cœur ne fut point parfait devant le Seigneur son Dieu, comme le cœur de David son père. Mais Salomon servait Astarté, déesse des Sidoniens, et Moloch, idole des Ammonites. Ainsi Salomon fit ce qui ne plaisait pas au Seigneur, et il n'acheva pas de suivre le Seigneur, comme David son père. C'est alors que Salomon bâtit un temple à Chamos, idole des Moabites, sur la montagne qui est contre Jérusalem, et à Moloch, idole des enfants d'Ammon. Et c'est de cette manière qu'il fit pour toutes ces femmes étrangères, qui brûlaient de l'encens et sacrifiaient à leur Dieu. Aussi le Seigneur fut-il irrité contre Salomon, de ce que son esprit s'était détourné du Seigneur Dieu d'Israël, qui lui avait apparu une seconde fois, et qui lui avait ordonné à ce sujet de ne point suivre des dieux étrangers. Et il ne garda pas ce que lui commanda le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit à Salomon, puisque tu as ce péché en toi et que tu n'as point gardé mon alliance et mes préceptes que je t'ai prescrits, je déchirerai et diviserai ton royaume, et je le donnerai à ton serviteur. Cependant, je ne le ferai point durant tes jours à cause de David, ton père. Mais c'est venant de la main de ton fils que je le diviserai. Et je n'ôterai pas tout le royaume. Mais je donnerai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et de Jérusalem que j'ai choisi. Or le Seigneur suscita pour ennemi à Salomon Hadad, l'Iduméen de la race royale, qui était dans Édom. Car lorsque David était dans l'Idumée et que Joab, prince de la milice, eut monté pour ensevelir ceux qui avaient été tués et qu'il eût tué tout mâle dans l'Idumée, car Joab y demeura 6 mois et toute l'armée d'Israël, pendant qu'il tuait tout mâle dans l'Idumée, Hadad s'enfuit, lui et des Iduméens, serviteurs de son père, avec lui, pour entrer en Égypte. Or Hadad était alors un petit enfant. Et lorsqu'ils furent sortis de Madian, ils vinrent à Pharan. Puis ils prirent avec eux des hommes de Pharan, et ils entrèrent en Égypte auprès de Pharaon, roi d'Égypte, qui donna à Hadad une maison, lui assigna des vivres, et lui attribua une terre. Et Hadad trouva tout à fait grâce devant Pharaon, tellement qu'il lui donna pour femme la sœur germaine de sa propre femme de Taphnès, la reine. Et cette sœur de la reine lui enfanta un fils, Génubaph, et Taphné le nourrit dans la maison de Pharaon. Ainsi, Génubath habitait auprès de Pharaon avec ses enfants. Lorsqu'Hadad eut appris en Égypte que David s'était endormi avec ses pères, et que Joab, prince de la milice, était mort, il dit à Pharaon, laissez-moi aller, afin que je retourne dans mon pays. Et Pharaon lui dit, mais de quoi manques-tu chez moi pour que tu cherches à aller en ton pays? Et Hadad lui répondit, de rien, mais je vous conjure de me laisser aller. Dieu suscita aussi pour ennemi à Salomon, Razon, fils d'Éliada, qui s'était enfui d'auprès Hadarézer, roi de Soba, son seigneur, qui assembla des hommes contre David et devint chef de voleurs. Lorsque David les tuait, et ils allèrent à Damas, ils y habitèrent et l'établirent roi à Damas. Et il fut ennemi d'Israël durant tous les jours de Salomon. Voilà le mal que fit Hadad et sa haine contre Israël. Ainsi, il régna en Syrie. Jéroboam aussi, fils de Nabath et phratéen de Sareda, serviteur de Salomon, dont la mère, femme veuve, avait pour nom Sarva, leva la main contre le roi. Et la cause de sa révolte est que Salomon avait bâti Mélo, et comblait l'abîme de la cité de David, son père. Or Jéroboam était un homme fort et puissant. Et Salomon, voyant ce jeune homme d'un bon naturel et laborieux, l'établit intendant des tribus de toute la maison de Joseph. Il arriva donc en ce temps-là que Jéroboam sortit de Jérusalem. Et Caïas, le Silonite, le prophète, couvert d'un manteau neuf, le rencontra sur le chemin. Or eux deux seulement étaient dans la campagne. Et Ahias, prenant son manteau neuf dont il était couvert, le coupa en 12 parts. Et dit à Jéroboam, « Prenez pour vous ces 10 lambeaux. Car le Seigneur Dieu d'Israël dit ceci, « Voilà que moi je diviserai le royaume venant de la main de Salomon, et que je te donnerai 10 tribus. Mais une tribu lui restera, à cause de mon serviteur David et de la ville de Jérusalem que j'ai choisie d'entre toutes les tribus d'Israël. Parce que Salomon m'a abandonné et qu'il a adoré Astarté, déesse des Sidoniens, Chamos, dieu de Moab, et Moloch, dieu des enfants d'Ammon, et qu'il n'a point marché dans mes voies pour pratiquer la justice devant moi, mes préceptes et mes ordonnances, comme David son père. Je n'ôterai pas tout le royaume de sa main, mais je l'en laisserai chef durant tous les jours de sa vie, à cause de David mon serviteur que j'ai choisi, qui a gardé mes commandements et mes préceptes. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils, et je te donnerai 10 tribus. Et quant à son fils, je lui donnerai une tribu, afin qu'il demeure une lampe à David mon serviteur, tous les jours devant moi dans la ville de Jérusalem que j'ai choisie, afin que mon nom soit là. Mais toi, je te prendrai, et tu régneras sur tout ce que désire ton âme, et tu seras roi sur Israël. Si donc tu écoutes tout ce que je t'ordonne, et si tu marches dans mes voies, et que tu fasses ce qui est droit devant moi, gardant mes commandements et mes préceptes comme a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Et je te bâtirai une maison fidèle comme j'ai bâti à David une maison. Et je te livrerai Israël. Et j'affligerai en cela la race de David, mais non pour toujours. Salomon voulut donc tuer Jéroboam, qui s'enfuit en Égypte vers Sésac, roi d'Égypte, et fut en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Quant au reste des actions de Salomon, à tout ce qu'il a fait et à sa sagesse, voilà que tout est écrit dans le livre des actions des jours de Salomon. Or les jours durant lesquels Salomon régna dans Jérusalem sur tout Israël furent de 40 ans. Et Salomon dormit avec ses pères, et il fut enseveli dans la cité de David son père, et Roboam son fils régna en sa place. Roman de la Sainte Bible selon la Vulgate, traduit en français avec des notes par l'abbé Glaire. Pour le site jésusmarie.com afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.